L'homme, extrait des premières méditations poétiques de Lamartine. À Lord Byron. Toi, dont le monde ignore encore le vrai nom, esprit mystérieux, mortel, ange ou démon, qui que tu sois, Byron, bon ou fatal génie, j'aime de tes concerts la sauvage harmonie, comme j'aime le bruit de la foudre et des vents, se mêlant dans l'orage à la voix des torrents. La nuit est ton séjour, l'horreur est ton domaine. L'aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine. Il ne veut comme toi que des rocs escarpés, que l'hiver a blanchi, que la foudre a frappé, des rivages couverts des débris du naufrage, ou des champs tout noircis des restes de carnage. Et tandis que l'oiseau qui chante ses douleurs, bâti au bord des eaux son nid parmi les fleurs, lui, des sommets d'Athos, franchit l'horrible cime, suspend au flanc des monts son air sur l'abîme, et là, seul, entouré de membres palpitants, de rochers d'un sang noir sans cesse dégoûtant, trouvant sa volupté dans les cris de sa proie, bercé par la tempête, il s'endort dans sa joie. Et toi, Byron, semblable à ce brigand désert, les cris du désespoir sont tes plus doux concerts. Le mal est ton autel, et l'homme est ta victime. Ton œil, comme Satan, a mesuré l'abîme, et ton âme, y plongeant loin du jour et de Dieu, a dit à l'espérance un éternel adieu. Comme lui maintenant, régnant dans les ténèbres, ton génie invincible éclate en chants funèbres. Il triomphe, et ta voix, sur un mode infernal, chante l'hymne de gloire au sombre dieu du mal. Mais que sert de lutter contre sa destinée? Que peut contre le sort la raison mutinée? Elle n'a, comme l'œil, qu'un étroit horizon. Ne porte pas plus loin tes yeux ni ta raison. Hors de là tout nous fuit, tout s'éteint, tout s'efface. Dans ce cercle borné, Dieu t'a marqué ta place. Comment? Pourquoi? Qui sait? De ses puissantes mains, il a laissé tomber le monde et les humains, comme il a dans nos champs répandu la poussière, ou semé dans les airs la nuit et la lumière. Il le sait, il suffit. L'univers est à lui, et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. Notre crime est d'être homme et de vouloir connaître. Ignorer et servir, c'est la loi de notre être. Byron, ce mot est dur, longtemps j'en ai douté, mais pourquoi reculer devant la vérité? Ton titre devant Dieu, c'est d'être son ouvrage, de sentir, d'adorer ton divin esclavage, dans l'ordre universel faible atome emporté, d'unir à ses desseins ta libre volonté, d'avoir été conçu par son intelligence, de le glorifier par ta seule existence. Voilà, voilà ton sort. Ah, loin de l'accuser, baisse plutôt le joug que tu voudrais briser. Descends du rang des dieux, qu'usurpait ton audace. Tout est bien, tout est bon, tout est grand à sa place. Au regard de celui qui fit l'immensité, l'insecte vaut un monde, ils ont autant coûté. Mais cette loi, dis-tu, révolte ta justice. Elle n'est à tes yeux qu'un bizarre caprice, un piège où la raison trébuche à chaque pas. Confessons-la, Byron, et ne la jugeons pas. Comme toi, ma raison en ténèbres abonde, et ce n'est pas à moi de t'expliquer le monde. Que celui qui l'a fait t'explique l'univers. Plus je sonde l'abîme, hélas, plus je m'y perds. Ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne. Le jour succède au jour, et la peine à la peine. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Soit que, déshérité de son antique gloire, de ses destins perdus il garde la mémoire, soit que de ses désirs l'immense profondeur lui présage de loin sa future grandeur. Imparfait ou déchu, l'homme est le grand mystère. dans la prison des sens enchaînés sur la terre, esclave, il sent un cœur né pour la liberté. Malheureux, il aspire à la félicité. Il veut sonder le monde et son œil est débile. Il veut aimer toujours. Ce qu'il aime est fragile. Tout mortel est semblable à l'exilé d'Éden. Lorsque Dieu lui bannit du céleste jardin, mesurant d'un regard les fatales limites, il s'assit en pleurant aux portes interdites. Il entendit de loin, dans le divin séjour, l'harmonieux soupir de l'éternel amour, les accents du bonheur, les saints couverts des anges, qui, dans le sein de Dieu, célébraient ses louanges, et s'arrachant du ciel dans un pénible effort, son œil avec effroi retomba sur son sort. Malheur à qui du fond de l'exil de la vie entendit ces concerts d'un monde qu'il envie. Du nectar idéal, sitôt qu'elle a goûté, la nature répugne à la réalité. Dans le sein du possible en songe, elle s'élance. Le réel est étroit, le possible est immense. L'âme, avec ses désirs, s'y bâtit un séjour où l'on puise à jamais la science et l'amour. Où, dans des océans de beauté, de lumière, l'homme, altéré toujours, toujours se désaltère, et de songes si beaux enivrant son sommeil, ne se reconnaît plus au moment du réveil. Hélas, tel fut ton sort, telle est ma destinée. J'ai vidé comme toi la coupe empoisonnée. Mes yeux, comme les tiens, sans boire, se sont ouverts. J'ai cherché vainement le mot de l'univers. J'ai demandé sa cause à toute la nature. J'ai demandé sa fin à toute créature. Dans l'abîme sans fond, mon regard a plongé. De l'atome au soleil, j'ai tout interrogé. J'ai devancé les temps, j'ai remonté les âges. Tantôt, passant les mers pour écouter les sages, mais le monde à l'orgueil est un livre fermé. Tantôt, pour deviner le monde inanimé, fuyant avec mon âme au sein de la nature, j'ai cru trouver un sens à cette langue obscure. J'étudiais la loi par qui roulent les cieux. Dans leur brillant désert, Newton guide à mes yeux. Des empires détruits, je méditais la cendre. Dans ces sacrés tombeaux, Rome m'a vu descendre. Des mânes les plus saints troublant le froid repos, j'ai pesé dans mes mains la cendre des héros. J'allais redemander à leur vaine poussière cette immortalité que tout mortel espère. Que dis-je ? Suspendu sur le lit des mourants, mes regards la cherchaient dans des yeux expirants. Sur ces sommets noircis par d'éternels nuages, sur ces flots sillonnés par d'éternels orages, j'appelais, je bravais le choc des éléments. Semblable à la Sibylle en ses emportements, j'ai cru que la nature, en ses rares spectacles, laissait tomber pour nous quelqu'un de ses oracles. J'aimais à m'enfoncer dans ses sombres horreurs, mais en vain, dans son calme, en vain dans ses fureurs, cherchant ce grand secret sans pouvoir le surprendre, j'ai vu partout un Dieu sans jamais le comprendre. J'ai vu le bien, le mal, sans choix et sans dessein, tomber comme au hasard, échapper de son sein. J'ai vu partout le mal où le mieux pouvait être, et je l'ai blasphémé, ne pouvant le connaître. Et ma voix, se brisant contre ce ciel d'airain, n'a pas même eu l'honneur d'irriter le destin. Mais un jour, que plongé dans ma propre infortune, j'avais lassé le ciel d'une plainte importune, une clarté d'en haut, dont mon sein descendit, me tenta de bénir ce que j'avais maudit. Et cédant sans combattre au souffle qui m'inspire, l'hymne de la raison s'élança de ma lyre. Gloire à toi dans les temps et dans l'éternité, éternelle raison, suprême volonté, toi, dont l'immensité reconnaît la présence, toi, dont chaque matin annonce l'existence. Ton souffle créateur s'est abaissé sur moi, celui qui n'était pas apparu devant toi. J'ai reconnu ta voix avant de me connaître. Je me suis élancé jusqu'aux portes de l'être. Me voici. Le néant te salue en naissant. Me voici. Mais que suis-je ? Un atome pensant. qui peut entre nous deux mesurer la distance? Moi, qui respire en toi ma rapide existence, à l'insu de moi-même, à ton gré façonné, que me dois-tu, Seigneur, quand je ne suis pas né? Rien avant, rien après, gloire à la fin suprême. Qui tira tout de soi, se doit tout à soi-même. Jouis, grand artisan, de l'œuvre de tes mains. Je suis pour accomplir tes ordres souverains. Dispose, ordonne, agis. Dans les temps, dans l'espace, marque-moi pour ta gloire, et mon jour, et ma place. Mon être, sans se plaindre et sans t'interroger, de soi-même, en silence, accourra s'y ranger. Comme ces globes d'or qui, dans les champs du vide, suivent avec amour ton ombre qui les guide, noyés dans la lumière ou perdus dans la nuit, je marcherai comme eux, où ton doigt me conduit. Soit que, choisi par toi pour éclairer les mondes, réfléchissant sur eux les feux dont tu m'inondes, je m'élance entouré d'esclaves radieux, et franchisse d'un pas tout l'abîme des cieux. Soit que, me reléguant loin, bien loin de ta vue, tu ne fasses de moi, créature inconnue, qu'un atome oublié sur les bords du néant, ou qu'un grain de poussière emporté par le vent. Glorieux de mon sort, puisqu'il est ton ouvrage, j'irai partout te rendre un même hommage, et d'un égal amour accomplissant ta loi, jusqu'au bord du néant murmuré, gloire à toi. Ni si haut, ni si bas, simple enfant de la terre, mon sort est un problème, et ma fin un mystère. Je ressemble, Seigneur, au globe de la nuit, qui, dans la route obscure où ton doigt le conduit, réfléchit d'un côté les clartés éternelles, et de l'autre est plongé dans les ombres mortelles. L'homme est le point fatal où les deux infinis, par la toute-puissance, ont été réunis. À tout autre degré, moins malheureux peut-être, j'eusse été, mais je suis ce que je devais être. J'adore, sans l'avoir, ta suprême raison. Gloire à toi qui m'as fait. Ce que tu fais est bon. Cependant, accablé sous le poids de ma chaîne, du néo au tombeau, l'adversité m'entraîne. Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, ignorant d'où je viens, incertain où je vais, et je rappelle en vain ma jeunesse écoulée, comme l'eau du torrent dans sa source troublée. Gloire à toi. Le malheur en naissant m'a choisi. Comme un jouet vivant, ta droite m'a saisi. J'ai mangé dans les pleurs le pain de ma misère, et tu m'as abreuvé des eaux de ta colère. Gloire à toi. J'ai crié, tu n'as pas répondu. J'ai jeté sur la terre un regard confondu. J'ai cherché dans le ciel le jour de ta justice. Il s'est levé, Seigneur, et c'est pour mon supplice. Gloire à toi. L'innocence est coupable à tes yeux. Un seul être, du moins, me restait sous les cieux. Toi-même, de nos jours, avais mêlé la trame. Sa vie était ma vie, et son âme, mon âme. Comme un fruit encore vert du rameau détaché, je l'ai vu de mon sein avant l'âge arraché. Ce coup, que tu voulais me rendre plus terrible, la frappa lentement pour m'être plus sensible. Dans ces traits expirants où je lisais mon sort, j'ai vu lutter ensemble, et l'amour et la mort. J'ai vu dans ses regards la flamme de la vie, sous la main du trépas, par degrés assoupis, se ranimer encore au souffle de l'amour. Je disais chaque jour, soleil, encore un jour. Semblable au criminel qui plongeait dans les ombres et descendu vivant dans les demeures sombres, près du dernier flambeau qui doit l'éclairer, se penche sur sa lampe et la voit expirer. Je voulais retenir l'âme qui s'évapore. Dans son dernier regard, je la cherchais encore. Ce soupir, ô mon Dieu, dans ton sein s'exhala. Hors du monde avec lui, mon espoir s'envola. Pardonne au désespoir un moment de blasphème. J'osais. Je me repens. Gloire au Maître suprême. Il fit l'eau pour couler, l'aquilon pour courir, les soleils pour brûler, et l'homme pour souffrir. que j'ai bien accompli cette loi de mon être. La nature insensible obéit sans connaître. Moi seul, te découvrant sous la nécessité, j'immole avec amour ma propre volonté. Moi seul, je t'obéis avec intelligence. Moi seul, je me complais dans cette obéissance. Je jouis de remplir en tout temps, en tout lieu, la loi de ma nature et l'ordre de mon Dieu. J'adore en mes destins ta sagesse suprême. J'aime ta volonté dans mes supplices même. Gloire à toi, gloire à toi. Frappe, anéantis-moi. Tu n'entendras qu'un cri. Gloire à jamais à toi. Ainsi ma voix monta vers la voûte céleste. Je rendis gloire au ciel, et le ciel fit le reste. Mais silence, ô ma lyre, et toi, qui dans tes mains tiens le cœur palpitant des sensibles humains, Byron, viens en tirer des torrents d'harmonie. C'est pour la vérité que Dieu fit le génie. Jette un cri vers le ciel, ô chantre des enfers. Le ciel même aux damnés enviera tes concerts. Peut-être qu'à ta voix, de la vivante flamme, un rayon descendra dans l'ombre de ton âme. Peut-être que dans ton cœur, ému de saint transport, s'apaisera soi-même à tes propres accords. Et qu'un éclair d'en haut, perçant ta nuit profonde, tu verseras sur nous la clarté qui t'inonde. Ah, si jamais ton luth, amolli par tes pleurs, soupirait sous tes doigts l'hymne de tes douleurs, ou si, du sein profond des ombres éternelles, comme un ange tombé, tu secouais tes ailes, et prenant vers le jour un lumineux essor, parmi les cœurs sacrés tu t'essayais encore. Jamais, jamais l'écho de la céleste voûte, jamais ces harpes d'or que Dieu lui-même écoute, jamais des séraphins les cœurs mélodieux, de plus divins accords n'auraient ravi les cieux. Courage, enfant déchu d'une race divine, tu portes sur ton front ta superbe origine. Tout homme, en te voyant, reconnaît dans tes yeux un rayon éclipsé de la splendeur des cieux. Roi des champs immortels, reconnais-toi toi-même. Laisse au fils de la nuit le doute et le blasphème. Dédaigne un faux encens qu'on t'offre de si bas. La gloire ne peut être où la vertu n'est pas. Viens reprendre ton rang dans ta splendeur première, parmi ces purs enfants de gloire et de lumière, que d'un souffle choisi Dieu voulut animer, et qu'il fit pour chanter, pour croire et pour aimer. Ainsi s'achève l'homme, extrait des premières méditations poétiques de Lamartine.